Une lune et mille océans. Des chants d'oiseaux en arc-en-ciel harmonisent cette aquarelle. La parole est courte mais pesée. L'argent n'existe pas, tu peux le jeter. Lui seul le sait.